6.7 to play. What kind of look is it going to be? It comes into the corner for the win. Yes! Yes! Do you believe it? Vince Carter gets it done for the Mavericks. Bonjour et bienvenue dans notre podcast NBA, les affranchis NBA, pour notre site internet Les 14 Affranchis. Nous nous retrouvons, comme la dernière fois, avec mes acolytes Hugo Lebrun. Bonjour à tous. Et Quentin Martins. Bonjour Abel, bonjour Hugo. Et donc je suis Abel Zarkarayes. Nous allons aujourd'hui aborder les playoffs NBA, puisque la saison régulière s'est terminée, et plus particulièrement les playoffs à l'Est. Un autre podcast est disponible pour l'Ouest, si vous voulez aller l'écouter. Donc, on va commencer avec une première série, Philadelphie contre Brooklyn. On va juste rappeler rapidement que Philadelphie termine 3e à l'Est avec un bilan de 51 victoires pour 31 défaites et que les Brooklyn Nets terminent avec une très belle saison à 42 victoires pour 40 défaites à la 6e place. C'est donc une série très intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah moi, franchement, c'est la série que j'attends le plus à l'Est. Okay. C'est deux équipes que j'adore. Franchement, d'un côté, les Nets, ça joue au ballon. La balle circule avec l'un de mes joueurs favoris aussi, D'Angelo Russell. MIP. Donc, MIP, évidemment, on en a déjà pas parlé. Pas encore. Il va l'être, hein, tu le sais très bien, Quentin. Et je pense que ça va jouer au basket, que c'est vraiment une série qu'il faut absolument regarder et on va se régaler avec cette série. Ça commence quand d'ailleurs ? Demain soir. Demain à 20h30. Il faudra être devant. 20h30. Tranquillement dans le canapé. Pas The Voice, mesdames et messieurs. Ah bah non. Très bon horaire pour commencer une série de playoffs. Si vous n'avez jamais regardé les playoffs, c'est une très bonne série pour commencer. Quentin, qu'est-ce que vous pensez de la série ? J'attends beaucoup des Brooklyn Nets parce qu'ils ont fait une très belle saison, en plus avec la blessure de Caris LeVert. Donc c'est vrai que normalement ils devraient confirmer. Ouais. Après, il faut voir. Ouais, c'est ça. Après, en face, c'est Phila. Hein. Ouais, c'est Phila quoi qu'il arrive. Ils ont un gros 5 majeur donc. Après, il faudra regarder les matchs, parce que ouais. Même si jamais, admettons, il y a 4-1 Philadelphie, mais que tous les matchs sont à peu près serrés, ça restera quand même quelque chose de bien pour le futur, ouais. de prendre de l'expérience, d'apprendre à gagner des matchs en play-off. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à faire des bons play-offs, des bons matchs, et rester dans les matchs. C'est vraiment le plus important pour Brooklyn. Après, on attend beaucoup de certains joueurs, notamment Nets, avec D'Angelo Russell, comme ouais. Tu l'as dit, ouais. Prochain MVP. MIP, normalement. Pas encore MVP, pas encore. On verra, ça pourra venir, on sait pas. Ah, mais pour l'instant, c'est MIP. Non, mais il devrait confirmer, c'est lui qui a porté les Nets toute l'année. Ouais. Effectivement, donc, c'est notre joueur clé. Hein. On a cherché à chaque fois des joueurs clés pour chaque équipe, pour des joueurs qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc ici, c'est pour Brooklyn, D'Angelo Russell, et de l'autre côté, c'est Joel Embiid. Mais pour rester sur D'Angelo Russell, très très bonne saison. Ouais. Il finit avec des stats très bonnes, hein. 21 points, 3 rebonds, 7 assists. Il a été même All-Star cette année. Donc et surtout, il est devenu franchise player. C'est ça le vrai changement dans sa carrière. C'est qu'il a appris à être un vrai leader, à arriver motivé à chaque match, concentré, il veut gagner. Avant, il se perdait un peu dans quelques bêtises. Maintenant, on sent qu'il est total focus. Et franchement, sa saison, elle fait plaisir parce que c'est un joueur pétri de talent. Donc, je suis vraiment content pour lui. En plus, c'est vrai qu'il a un flow assez incroyable. Quoi. Donc, on l'avait dit la semaine dernière lors du dernier podcast. Son hygiène de vie a complètement changé. Maintenant, il est vraiment focus sur le basket. Ouais. Là, avec les blessures de Caris LeVert et de Spencer Dinwiddie, bah, c'est lui qui avait tenu la barque des Nets. Donc maintenant, à un moment, c'est lui qui devrait step up. Ouais, on va voir en playoff. En parlant déjà, s'il reste au même niveau, c'est déjà pas mal. Parce que là, il est déjà un niveau assez pas. S'il reste au même niveau, ils peuvent prendre des matchs. Hein. Ouais. Moi, je vois que là, déjà sur la saison régulière, il y a 2-2. Brooklyn en a pris 2. Ouais. Même s'ils finissent 6e de conférence, ils en ont pris 2 à Philadelphie. 6, c'est déjà pas mal. Parce qu'avant le début de la saison, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui les mettaient 6. Hein. Après, est-ce que le manque d'expérience va peser aussi ? C'est la question. Parce que là, côté Brooklyn, niveau expérience, c'est qui ? Demarry Carroll ? Demarry Carroll, sinon, c'est. Delly, encore. Ouais, encore. Bon, c'est pas vraiment des joueurs sur qui je pense ils vont s'appuyer dessus, mais c'est pas les joueurs phares de l'équipe. Donc côté Philadelphie, je citais Joel Embiid, c'est pas le plus expérimenté. Par contre, on voit des joueurs comme Tobias Harris qui ont Jimmy Butler. Après, c'est pas des grandes expériences en playoff, mais c'est des grandes expériences dans la ligue. Mais ils connaissent, quand t'as déjà senti l'odeur des playoffs, c'est déjà ça. Je veux dire, à Brooklyn, il y a pas un gars qui il y en a un ou deux, mais ça va être très compliqué. Au niveau de l'expérience, c'est léger. C'est vraiment là que je trouve que la différence, déjà que sur les starting five, c'est assez compliqué. Bah, parlons-en, hein, les starting five. Au niveau du papier, même si on sait que les playoffs, c'est pas le papier, au niveau du papier, les deux équipes sont vraiment pas au même niveau. Hein. Bah, qui peut stopper Joel Embiid ? Jarrett Allen, il est skin quand même. Il est pas... C'est ça le problème. Hein. Après, je pense que Jarrett Allen est celui qui, à l'est et l'intérieur, avec peut-être André Drummond, est celui qui peut le plus ralentir Joel Embiid. Ouais. Mais c'est vrai qu'il pourra pas le stopper. Après, c'est un buffle. Hein. Après, s'il a envie de passer, il passe. Hein. Le problème, c'est juste au niveau du corps, vraiment des deux. C'est qu'il y a, une brindille contre un costaud. Donc, ça, c'est le vrai problème sur ce match-up-là. Et si Jojo, il commence à se mettre au poste bas, je vois pas vraiment comment il peut le stopper. Oui, puis c'est surtout que Joel Embiid, il a cette manie un peu à faire sortir l'adversaire du match. Ouais. Donc il là, est très fort pour ça. Hein. Là, ça peut le faire aussi avec Jarrett Allen, sachant que Jarrett Allen est assez jeune. Donc, faut voir aussi ce match-up-là qui va être très intéressant. Et de toute façon, je pense que les Nets, leur seule chance vraiment de passer, c'est que si on regarde bien au niveau des cohésions d'équipe, là, les Nets, ils ont un avantage. Ouais, la balle, elle circule mieux. Chacun connaît sa place. Alors que bon... À Philadelphie, Jimmy Butler, il veut des shoots, Simmons, il veut... Non. Bon, c'est un peu plus compliqué, il y a plus d'ego, donc forcément, c'est compliqué. Simmons ne veut pas des shoots. Hein. Oui, non, mais lui, c'est ce que j'allais dire shoot, puis après, je me suis dit, c'est peut-être lay-up, je sais pas avec Simmons. Après, à Philly, ils ont un objectif commun, c'est quand même faire des grosses playoffs, donc... Vu le recrutement qui a été fait par le management, l'objectif est affiché, c'est pas le premier tour. Ils vont tous se mettre en mode playoff et qu'ils vont plus penser à leur shoot ou à leur ego. Là, ça peut commencer à faire mal. Ouais. Bah, c'est vrai que Reggie commence à mettre ses gros shoots à 3 points. De toute façon, eux, clairement, sur le papier, c'est le jour où ils jouent bien, c'est très dur à prendre parce que tout le monde s'est shooté à part le meneur, ce qui est quand même assez spécial. Mais Tobias Harris, ça shoot de partout, c'est très régulier. Donc, non, vraiment, au niveau du papier pur, il y a clairement un avantage. Après, le jeu d'équipe, il est quand même plus développé du côté de Brooklyn. Du coup, vous voyez quoi comme pronostic ? Moi, j'ai mis 4-2 pour Philadelphie. Ouais, pareil, 4-2. Brooklyn en prend 2 ? Moi, c'est peut-être plus à la maison. Normalement, à la maison. Moi, j'ai hésité entre 4-1 et 4-2. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les Nets. C'est une équipe que j'ai pris du plaisir à voir toute l'année. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à aller en prendre 2 pour vraiment clôturer une saison de qualité. Est-ce qu'il peut y avoir upset ? C'est compliqué. Hein. Je mets 4-2 Philadelphie. De là à avoir upset, là, il y a trop d'écart au niveau vraiment du talent pur, je pense, pour qu'il y ait upset. Après, prendre un match, voire deux, ça serait quand même une très belle récompense. Ouais. C'est Nets qui, de base, n'envisageait pas forcément d'aller en playoff. Non, clairement, là, ils ont déjà réussi leur saison. Hein. C'est déjà une très belle saison pour eux. Donc, vraiment, là, c'est du bonus. 4-2. Et puis 4-2, ça serait bien pour eux. Ça serait bien pour tout le monde. Ce serait bien pour tout le monde. Si, à 4-2. Ils vont vouloir un 4-2. Ils veulent quand même poursuivre playoffs. Oui, bah eux ils ont plus rien à perdre maintenant. Ouais. Ils sont là pour gagner et avancer. En tout cas voilà, bilan de la série pour nous c'est Philadelphie. Mais ça c'est une très belle série à voir. Il faut vraiment la regarder parce que je pense qu'il y aura du beau jeu et des joueurs sympas parce que D'Angelo Russell il peut aller chauffer un peu avec Joel. Il peut y avoir quelques trucs sympas à regarder. Basket ça va être très intéressant. Ça va être très très cool. Ouais. Bon on passe sur une autre série. Détroit contre Milwaukee. Série qui paraît sur le papier déséquilibrée, mais vraiment énormément. Donc on a d'un côté le meilleur bilan de la ligue, 60 victoires pour 22 défaites pour Milwaukee. Et de l'autre côté, le 8e et dernier qualifié à l'Est, Détroit, avec 41 victoires pour 41 défaites. Là, c'est déséquilibré. Hein. Même sur les confrontations directes cette année, c'est 4 victoires pour Milwaukee. Ça commence à faire beaucoup. Vous voyez quoi, vous ? Là, normalement, il ne devrait pas y avoir photo préparer les balais. Ça va se balayer, sweep. Ouais. Les Bucks, en fait, je pense qu'ils vont profiter de ce tour pour se préparer pour les prochains. Ouais, clairement. C'est l'entraînement. Contre les Celtics ou contre les Bucks. Là, c'est peut-être la série la plus déséquilibrée sur le papier. C'est vrai que Détroit, ils ont réussi à accrocher les playoffs. En fin de saison, je vous rappelle que pendant le dernier podcast, ils étaient 6e encore. Ouais, justement, ils finissent 8. C'est très irrégulier. Justement, ils finissent 8. Ça veut dire qu'ils ont encore perdu des matchs contre New York. Je sais plus contre qui ils ont perdu. C'est pas une équipe régulière. Quentin, pendant le dernier podcast, il disait qu'il lâchait des matchs. Exactement, il l'avait dit, Quentin. Et c'est pas une équipe régulière. Au final, ils y sont ric-rac. Mais... C'est pas une équipe qui joue un basket incroyable non plus. Là, dans la semaine, ils devaient gagner les deux derniers matchs. Au final, ils remontent un écart de 22 points contre Memphis. Ça, c'est bon. Ils ont eu chaud derrière quand même. Mais Détroit, le problème, c'est que c'est trop irrégulier. Pour les playoffs, ça peut pas le faire. Très clairement, puis même au niveau de l'équipe, les extérieurs, c'est moyen. C'est pas du niveau playoff au niveau des extérieurs. Ouais. Et leur style de jeu, c'est quoi ? C'est balle à Griffin en ISO. Ouais. Après, il fait le taf, on essaye de donner un peu la balle à Drummond, mais bon, c'est stéréotypé. S'il fait pas le taf, ça peut monter à moins 15. Hein. Ah non, c'est pas ouf, hein, franchement. Après, Reggie Jackson, je vous rappelle que pour faire le push, il a quand même fait une bonne fin de saison, Reggie Jackson. Ouais. C'est quand même un joueur qui déçoit depuis qu'il est arrivé à Détroit. Donc, il est parti d'OKC, C'est une déception parce qu'il avait quand même un sacré niveau. À OKC, c'était un sacré joueur. C'est prometteur. Hein. C'était un sacré joueur. Il était vraiment bon maintenant. On va voir pendant la série. Là, c'est vrai que là, de toute façon, là, j'allais parler des joueurs clés, mais il y a une clé dans la série, et c'est même pas une clé, c'est la totale, la porte, tout ce que vous voulez, Yanis. Il va même passer par la cheminée. Ah bah lui. Yanis Antetokounmpo, là, je pense que, ouais, ce qu'on disait, ça va être sa série de chauffe à lui. Oui, bah ouais, ouais, là, de toute façon, personne ne peut le stopper dans la série, enfin, dans l'équipe adverse. Je pense qu'il va envoyer de la stat, il va envoyer du dunk, du petit mid-range, ça va être son petit training. Il va se faire plaisir, je pense. Son petit sparring partner, quoi. Il va arriver pieds nus. Voilà, tranquille. Il va se faire plaisir, ouais, parce que vraiment, là, au niveau des effectifs, même on voit l'effectif de Milwaukee, déjà, c'est deux All-Stars cette année, hein. Chris Middleton est allé All-Star Game. Très bonne saison de Chris Middleton. Ouais, bah, c'est on un joueur très... pas beaucoup. Ça, c'est le genre de joueur qu'on voit pas spécialement, mais c'est pour une équipe, c'est parfait. Ouais. Il prend les bons shoots, il met les shoots. Il ouvre pas sa bouche. Voilà. Il connaît son rôle. C'est le genre de joueur que je pense que tout franchise player aimerait avoir à ses côtés, franchement. Et du côté de Détroit, on a mis comme joueur clé André Drummond. On aurait pu mettre Blake Griffin, mais c'est pareil. De toute façon, je vois pas comment ils peuvent surpasser l'effectif global des Bucks. Les Bucks, ils ont un gros bond et tout. Ouais, non, franchement, c'est compliqué. Après, Drummond, il va faire ses stats. Parce que Drummond, il va gober du rebond. On le sait très bien. Il va mettre ses 15 points, ses 15 rebonds. Mais défensivement, ça va être compliqué. Mais défensivement, à voir comment il va s'adapter au fait qu'il joue contre un 5 qui passe sa vie derrière la ligne à 3 points. Ouais. Parce que Drummond, c'est pas un cheval qui galope partout. Hein. Et le problème, c'est que si tu laisses Brook Lopez seul, bah, il va rentrer le shoot. Et si tu le suis, ça laisse la raquette ouverte pour Giannis. Donc là, c'est vraiment le problème. Il faut choisir son poison. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Bon, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'ils vont quand même essayer de trouver un moyen. Ils vont mettre un plan de jeu en place. Mais ça paraît très, très compliqué de stopper cette équipe des Bucks. Ils ont quand même un bon coach, hein, Dwayne Casey, donc il faut voir aussi ce qu'il va faire. Un bon coach, ouais, à partir d'avril, à chaque fois, c'est un peu plus compliqué pour lui. De Toronto, on en parlera plus tard, mais oui, là, pour cette série, vous voyez quoi, vous, Quentin ? Un 4-0. Hein. Sweep. 4-0. Sweep, pour moi aussi 4-0. Hein. Je vois pas comment Détroit peut en prendre un seul. Et là, on se retrouve tous dans 3 semaines, 4-3 Détroit. Alors là, c'est vrai. Si Détroit sort Milwaukee, c'est vraiment incroyable. Ah bah là, c'est l'un des plus gros upsets que j'ai jamais vu de ma vie, parce que là, ça sera incroyable, mais j'y crois pas du tout. Alors là, on verra, si en tout cas, en plus avec l'avantage du terrain. Si gagne un match, voire deux déjà. Ouais, bah s'ils en gagnent deux déjà, c'est quelque chose. Hein. Ouais, surtout que là, Milwaukee a l'avantage du terrain. Bon, on verra. En tout cas, pour moi, c'est 4-0. Pour vous deux aussi, c'est 4-0. Ouais, 4-0. Parce que cette série-là, c'est réglé. On va passer à une série autre, qui est Celtics contre Pacers. Donc les Celtics avec une saison qui peut paraître décevante par rapport aux attentes qu'on aurait pu avoir par rapport à la saison passée avec des blessés qu'ils avaient. Donc ils finissent avec 49 victoires pour 33 défaites et ils finissent à la 4ème place. Et Indiana qui finit juste derrière avec 48 victoires pour 34 défaites. Vous pensez quoi de cette série ? Bah moi franchement j'attends les Celtics. Après une saison régulière, bon c'est vrai où on voit bien qu'ils trouvent pas leur place, qu'on sait pas qui joue, c'est un peu compliqué. Le retour de Gordon Hayward, de Kyrie Irving, le retour sur le banc de Rozier, etc. C'est une équipe qui a du mal à se mettre en place. Là, pour les playoffs, va falloir se mettre dedans. Hein, parce on sait que les playoffs, c'est un jeu de superstar. Hein. Ouais. Après, il y a eu pas mal de problèmes en interne. Ouais. Celtics, c'est ça le problème. Les déclarations les un égos, peu bizarres. Il y a pas mal de mauvais égos. Après, les Pacers, le fait qu'ils aient perdu Victor Oladipo... Chose très importante. Hein. Ouais, c'était leur franchise player. Donc, série aurait été totalement différente s'il y avait Oladipo. Bah, en parlant de joueurs blessés, c'est pas le seul. Parce qu'on a appris il y a quelques jours, que Marcus Smart était blessé pour les deux premiers tours de playoff. Alors ça déjà, pas que pour cette série-là, ça va leur faire beaucoup de mal aux Celtics, parce que Marcus Smart, c'est le cœur, c'est... Bah, c'est le chien de garde des Celtics. C'est ça. C'est l'homme qui mène la défense. Donc, en fait, il manque... Enfin, de chaque côté, il manque le joueur. Ça aurait été un match-up assez sympathique. Marcus Smart, il aurait défendu sur Oladipo. Et voilà, mais là, bon, du coup, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir ces deux joueurs-là. Ça perd de la saveur. Ça aurait donné un match-up très sympa avec un joueur d'un côté très très bon offensivement. Et il y aurait eu son chien de garde qui aurait été sur lui pendant toute la partie. Donc bon, c'est dommage, mais bon, ça c'est le sport, hein, malheureusement. Bah, du coup, on voit que, moi personnellement, je vois vraiment limite une série de superstars d'un côté et de groupes. Parce que je ne sais pas si on peut appeler Miles Turner une superstar en NBA, je ne pense pas. Alors que de l'autre côté, Jason Tatum est déjà une superstar, Kyrie Irving, superstar. Est-ce que... Bah, en fait... Est-ce que Miles Turner peut faire tourner la série? Parce qu'on sait que les playoffs, c'est un jeu de superstar. Quentin, est-ce que vous pensez que Miles Turner peut faire changer la série? Je pense pas forcément Miles Turner, mais je pense que si les Celtics perdent, ça sera de leur faute. C'est vraiment un problème interne, en quelque sorte, qui Indiana va pas gagner, c'est Boston qui va perdre plutôt. Ouais, je pense. Ok. De toute façon, c'est vrai que. Après, les Pacers, les Pacers, pardon, ils ont quand même une grosse team. Ouais. Des bons joueurs, Bogdanovic, donc tout ça. Donc... Moi, j'apparenterais un peu cette série à celle des Sixers contre les Nets. C'est en fait plus un groupe individuel avec beaucoup de très très bons joueurs. Qui sont les Celtics. Ouais. Les Celtics. Et à côté. Un groupe peut-être plus moyen avec moins des joueurs, ouais. Voilà, beaucoup moins talentueux, mais où avec ça, une cohésion. Tout le monde joue ensemble, tout le monde joue l'un pour l'autre. Donc après, on verra bien. Moi, je n'imagine pas quand même les Pacers passer. Combien les Pacers peuvent en prendre aux Celtics? Grand max 2. Hein. Ouais, grand max 2. Ouais. Tout dépend. Même si les Celtics branchent le cerveau, qu'ils ont envie de vraiment ils peuvent les sweeper. Ensemble, hein. Ouais, ils peuvent les sweeper. Hein. Franchement, le sweep est possible pour Boston. Après, ouais. J'espère pas pour Indiana, parce que quand même... Après la blessure d'Oladipo, Oladipo fait une super saison avant de se blesser. On est tous dégoûtés et puis ça récompenserait leur saison. Mais je pense que le sweep est possible. Hein. Ouais. Ouais, après, ils étaient quand même 3e. Bon, là, ils sont 5e parce qu'ils ont perdu des matchs. Mais ils sont à leur place. Quoi. Ils n'ont pas volé leur 5e plaçant. Non, mais ils vont faire le taf. De toute façon, eux, ils vont arriver. Ils vont avoir envie de jouer. Moi, je n'imagine pas un sweep quand même. Parce non, que bon, ouais, quand même c'est quand même une bonne équipe. Quoi. Ça veut dire que c'est pas comme. Par exemple, par rapport à Détroit. Je trouve que c'est une équipe avec plus de talent, plus d'homogénéité au niveau des extérieurs et des intérieurs. Donc, je pense que ça peut quand même faire le taf. Et puis même, ils ont un banc, Tyreek Evans, voilà, ouais. Corey Joseph, oh, ça fait le taf. Dermot, tout ça, ils ont du banc. De toute façon, ça au niveau de l'expérience play-off, on se rappelle tous de l'année dernière, premier tour Indiana-Cleveland, ouais. Où LeBron James avait dû s'employer pour sortir Indiana, ouais. Même s'il y avait Victor Oladipo, mais je pense que le groupe s'en souvient. Ouais, et ouais. Je pense que bon, c'est toujours une équipe qui fait le taf. Ça va leur servir d'expérience. Indiana hein. En playoff, c'est jamais une équipe bonne à prendre. Quoi. C'est pas l'équipe que tu veux prendre sur un premier tour, clairement pas. Donc vous voyez combien vous pour la série? Un petit 4-2, 4-2. Moi je vois 4-1, allez. 4-1, 4-2. Je vois 4-2 aussi pour les Celtics. Et je mets une petite étoile. Si les Celtics sont à 100% dans le mental, c'est sweep. Je pense vraiment. Ouais, ça c'est possible, mais j'espère pas parce que Indiana, c'est pas qu'ils mériteraient pas, mais c'est que bon, c'est quand même une équipe qui donne tout. Après, ça reste quand même difficile à pronostiquer. Hein. Ouais, toujours, de toute façon. Les playoffs, c'est comme ça. Hein. Mais après, si Kyrie Irving, on le connaît, hein, quand les playoffs arrivent, on dirait que vraiment il sent un petit air, il se transforme. Kyrie en playoffs, c'est ça, des grands joueurs. Ouais, c'est step-up. Hein. C'est step-up obligatoire, de toute façon. Quand on arrive en playoffs, les grands joueurs, c'est plus du tout c'est pas le même sport, mais je veux dire, c'est plus la même saison, c'est autre chose qui commence. Donc ils augmentent leur niveau. Mais cette série est en tout cas à suivre parce qu'on va voir du beau basket et puis c'est surtout voir si les Celtics vont confirmer leur pas méforme mais leur manque d'homogénéité. On va voir. Franchement, il y a que des belles séries de toute façon, je trouve. Là, franchement, les playoffs. Moi, à part franchement, je dois avouer, le Bucks Détroit qui m'enchante pas trop. Ouais, sinon, le reste, je trouve que ça va être des match-ups sympas. Bucks Détroit à l'est et à l'ouest, Los Angeles Clippers contre Warriors, voilà, c'est un peu l'équivalent en fait. En fait, c'est un peu les 1-8 en fait. Les 1-8, il n'y a pas vraiment d'adversité. Surtout que Détroit, ça donne pas envie de voir jouer. Voilà, exact. C'est souvent de l'ISO. Parce sur que, films, ça, par exemple, pas... Los Angeles, on aime bien les voir jouer. C'est vrai que Détroit, moi je les vois jouer. Faut pas les voir jouer à 4h30 du matin parce que. Après, ça se voit que vous avez pas regardé les matchs de Cleveland cette année. Hein, parce que Non, merci. Dis-nous tout, Abel. Dis-nous comment ça s'est passé. Oh, c'est dur. Hein. Il avait un œil fermé, c'est plus ce qui se passait. Bon, en tout cas, pour terminer sur cette série, on voit donc les Celtics qui passent. Ouais, clairement. Mais ça sera beau à voir jouer quand même. Ça sera beau à voir. Et une autre série qui sera, je pense, belle à voir, c'est Orlando Magic contre les Toronto Raptors. Ouais. Toronto qui fait encore une très belle saison après avoir fait premier à l'Est l'année dernière et s'être fait sorti par LeBron en fait tout seul. Hein. Cette année, ils finissent à 58-24. Très belle saison encore hein, avec un nouveau coach. Très régulier. Exact. Qui tombe donc contre le Magic et ça nous fait plaisir parce que Evan Fournier est en play-off avec 42 victoires pour 40 défaites. Non, franchement, ça fait plaisir pour le Magic parce que avant le début de la saison, forcément, on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent là. Donc, surtout pour Vucevic et Evan Fournier, qui sont un peu proches de la communauté France, NBA. Vucevic, ça fait plaisir. Hein. Ouais, il est All-Star cette année. Il fait très, très gros niveau. Hein. Ouais, c'est un très, très gros saison. Et offensivement, je peux vous dire que c'est... Il a des mains, c'est du haut niveau. Main droite, ouais, le hook, le shoot, il a tout ce qu'il faut. Donc, mais c'est très sympa quand même de voir le Magic après autant d'années de galère, enfin revenir en playoff. Ça fait plaisir de voir des images, on l'a vu quand il célébrait le fait d'être en playoff, on les a vus sur le terrain. Vous en pensez quoi de cette série, vous, Quentin? Je pense clairement que Toronto va élever son niveau. Maintenant, Orlando a quand même dans l'année genre, fait des grosses perfs ouais. contre les Celtics, donc on peut s'attendre à une grosse série. Bah, ils ont battu Toronto deux fois, hein. Ouais. Ils en ont pris deux. Hein. Mais après, c'est une belle récompense pour Orlando. Ouais. Ils avaient comme objectif d'arriver en playoff, ils l'ont fait. Et... Donc ouais, là, pour eux, la saison est réussie. Ah bah clairement. Oui, clairement. Ils n'ont plus rien à perdre contre Toronto, là. Surtout que Toronto, ils arrivent avec un effectif, on peut aller dessus. On voit joueur clé, on a mis Kawhi Leonard, mais en vrai, l'effectif complet de Toronto, C'est incroyable, hein, franchement. Il y a des effectifs à l'Est, je peux vous dire que Bucks, c'est quelque chose. Hein, parce que Bucks et Toronto, Celtics, même Fila. Si on regarde juste les noms des joueurs, c'est assez incroyable. Vous remarquez que LeBron est parti, et là, les effectifs, c'est incroyable. Voilà. Hein. Tout le monde avait peur de LeBron avant, donc maintenant. Ah bah non, en fait, il est pas en playoff. Ouais, j'allais dire, il est en playoff, mais non. Et non. Mais en tout cas, pour revenir sur cette série, là, les match-ups, pour moi, ça va être compliqué de tenir Toronto pour Orlando. Que ce soit, franchement, je vois pas de... Bah, à part Vucevic, qui peut-être peut discuter par rapport à Marc Gasol, vu sa forme actuelle. Ouais. Mais je vois pas un seul poste où Orlando est au-dessus de Toronto. Hein. Bah, clairement, de toute façon, si on regarde sur le papier, ça fait peur. DJ Augustine face à Kaylori, c'est pas... Kawhi Leonard, pareil, face à... C'est surtout Kawhi qui va se régaler, je pense, parce que... Face à Jonathan Isaac, il va se régaler. Il va se faire plaisir, je pense. Jonathan Isaac aussi, c'est pas... Son corps, c'est pas encore développé, donc je pense que lui, vaut mieux pas qu'il se retrouve face à Kawhi au poste bas, sinon il va... Parce que Kawhi, en plus, il a manqué des matchs, il manquait les back-to-back pour se remettre un peu de blessure, mais il a fini quand même la saison avec 26,6 points de moyenne, 7 rebonds, 3 assists, donc bonne saison. Hein. Après, faut mettre en valeur aussi le rôle du coach Nick Nurse qui a bien géré Kawhi Leonard, c'est back-to-back justement le temps de repos. Le nouvel effectif en fait, hein, parce qu'il a eu Kawhi, il a eu au cours de la saison Marc Gasol, Jeremy Lin, il a des gens qui sont arrivés, il a bien su gérer ça. Il était assistant avant de Dwayne Casey, je crois que c'est ça. Hein. Donc je pense que là Kawhi il arrive prêt, il arrive avec les dents qui vont rayer le parquet. Mais après là de toute façon c'est maintenant qu'on attend vraiment de voir ce que va donner ce nouvel entraîneur, parce que Toronto depuis 3, 4, 5 ans. Tous les ans, ils font des très belles saisons régulières. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait le fameux Lebronto, comme je vois Abel sourire. Non, mais c'est vrai que ça. Mais ça nous faisait même de la peine au final, parce que Toronto, ils faisaient toujours des belles séries. Et au final, quand ils arrivaient en playoff, mais ils se faisaient sweeper. Ils avaient un blocage. Mais de toute façon, ils avaient un blocage psychologique. Est-ce que le blocage, c'était DeMar DeRozan ou c'était les Toronto Raptors Les Toronto Raptors. Après, peut-être que c'était aussi le coach aussi. Donc maintenant, on va voir. Maintenant, c'est cette année. S'ils font une finale de conf et qu'ils arrivent à faire une belle série en finale ou quoi, c'est là qu'on verra s'ils ont passé un cap ou pas. Bah déjà, là, sur cette série, vous voyez quoi, vous? Parce que je vois qu'on avait mis Terrence Ross comme joueur clé à Orlando. Est-ce qu'il peut faire gagner un match à Orlando? Pas le faire gagner, mais au moins le faire... Faire rester faire Orlando. Douter Toronto un peu. Voilà. Faire rester Orlando. Faire douter, c'est bien. Faire douter il Toronto va peut-être sur être un motivé match. En plus, parce que Terrence Ross, on se rappelle qu'il a joué à Toronto. Donc, il a mis quelques bottomars là-bas. Donc, non, franchement, c'est. Ouais, ça, puis c'est un joueur chaleur s'il commence à rentrer 25-30 points. Après, on n'attend pas de lui qu'il fasse 4 ou 5 matchs à 30 points. C'est juste si sur un match, il arrive à prendre feu et qu'il peut aider son équipe à aller en chaleur. Il donne l'opportunité à Evan Fournier de mettre un buzzer. On sait pas. Clutch ou pas? Clutch ou pas, Evan Fournier? Joueur très très clutch. On se rappelle du buzzer de. Evan Fournier sur Cleveland. Ouais, on s'en rappelle, Il en a déjà quelques-uns. Mais en tout cas. Non, mais c'est cool pour le Frenchie. C'est une bonne récompense. Aussi chauvin qu'on soit, moi je vois pas. Je vois pas Orlando. Non. Limite, j'ai même du mal à leur en donner un. Hein. C'est compliqué. Hein. Moi vraiment, je pense. Peut-être un. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Mais bon, moi j'ai quand même mis 4-1 parce que c'est un peu le cœur qui parle. On a toujours envie de voir les équipes prendre au moins un match parce que se faire sweeper, c'est toujours un peu l'humiliation. Donc on espère qu'ils en prennent un, mais je doute un peu quand même. C'est entre le 4-0 et le 4-1, de toute façon, ils en prendront pas deux, je pense. Alors là, vraiment, je serais choqué aussi. Mais je vais, pour le cœur, je vais donner 4-1. Allez, un petit buzzer d'Evan Fournier, ça me fait plaisir. Là, on est bon. Twitter qui explose, et voilà, on est bon. Quentin, vous donnez combien, vous? Ouais, 4-1. 4-1, ça serait cool, mais après, en étant réaliste, ça devrait faire 4-0 quand même. On verra. En tout cas, la série commence à Toronto. On verra en fonction de ça. Donc pour terminer sur nos pronostics, on va revenir rapidement sur les séries. Donc Philadelphie, Brooklyn, vous donnez combien, Hugo? 4-2. 4-2. Pour Phila. 4-2 aussi. 4-2, 4-2 aussi pour moi. Ensuite, on avait donné pour Milwaukee, Détroit, 4-0, je crois. Le sweep. Tout le monde, hein. 4-0 au large. Hein. 4-0 pour tout le monde. En ce qui concerne Boston, Indiana, 4-2. Moi, j'ai dit 4-1. 4-1 et... 4-1 aussi. Hein. Tout ça pour Boston, on est d'accord. Ouais. Faudra remarquer qu'à l'Est, on est plus proche d'être d'accord qu'à l'Ouest. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc, on vient de donner la dernière série entre Toronto et Orlando. Voilà. En tout cas, on a fini sur nos previews des playoffs. On va donc pouvoir passer sur le moment que vous préférez, le quiz. Vamonos. Donc, la dernière fois, le quiz remporté par Hugo face à Quentin d'Arpont. Attendez, j'ai pas entendu, c'est qui a remporté le quiz ? C'est la chance. Ah, ok, cool. Donc, on va passer sur un nouveau quiz. Vous êtes prêts ? Allez, on est bon. Je vais juste prendre le petit stylo pour noter. Donc, hop. Donc, première question. Ça va être une question de rapidité. Quel joueur était surnommé The Answer ? Iverson, waouh. Oui, Allen Iverson. Un bon bégaye, moi. Je suis là. Hop. Une fois converti à l'islam, quel était le nouveau nom de Lou Alcindor ? Ça me dit quelque chose, cette histoire ? Je l'ai pas, franchement, je l'ai pas. Oh non, quand même pas, là. Attends, non, je l'ai pas, franchement, non. Je l'ai pas. Je connais pas, j'ai déjà entendu une anecdote comme ça, mais c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Kareem Abdul-Jabbar. Oui, et c'est pour Quentin. Je l'ai entendu une fois avant. Mais alors ça, c'est une honte. Désolé. Encore des préférences. Mais c'était une honte déjà que vous n'ayez pas la réponse. C'est vraiment une honte. C'est pas non plus... On n'est pas au courant de tout, monsieur. Excusez-nous. Hein. C'est dommage, Hugo. Vous qui connaissez bien la NBA. Bah, excusez-moi. Vous aviez la réponse, monsieur ? Non, mais... Ah. Il ne l'avait pas. Déjà, il vous a donné un point parce qu'il sent que vous êtes un peu en galère. J'ai vu la lumière. Question suivante. Alors qu'on était kiff-kiff. Hein. Quel joueur espagnol Nicolas Batum a-t-il frappé en 2012 pardon, pour le plus grand plaisir des Français ? Hernandez, non ? Non. Marc Gasol. Non. C'était avec la France, hein. C'était pas en NBA. Je vois comment il est, mais... Ah, c'est le barbu ? Non. Hernandez ? Non. Non, j'ai déjà dit. Il a pas joué à Portland, je me souviens de lui, mais je sais plus son nom. Vous ne l'avez pas ? Non. Sergio Elul. Non. Non, en plus, tu sais que je vois sa tête. C'est, il a joué à Madrid et tout, mais ouais, je ne sais plus son nom. Juan Carlos Navarro. Ah non, c'est et pas en plus. C'est pas si maintenant il joue. Ah, je sais pas s'il joue encore, peut-être à Barça. Non, c'est pas lui que je pensais. Ouais, c'était celui qui jouait les au Barça. Les amis, là, le quiz est compliqué aujourd'hui. Ah, ouais. Mais aussi, les questions sont mal choisies, comme toujours par Abel, hein, franchement. Bon, on continue. Quel joueur était le compère de Alley-Oop de Gary Payton ? Sean Kemp. Oui, Sean Kemp quand même. Bah comme alors, Quentin, vous qui connaissez bien la NBA. En quelle année Michael Jordan a-t-il pris sa première retraite ? Ça, je sais pas. 97 ? Non. 99 ? Non. 95 ? Non. 96 ? Et non. Désolé. Yes. C'était 93. Ah. On a été loin, nous aussi. Ouais. On va voir si vous l'avez. Comment les deux frères de Tony Parker s'appellent-ils ? Je sais pas. Franchement, je vais pas... Alors là... Pourquoi j'ai vu l'intérieur sport ouais. Pas, on voit son frère, mais alors là de me souvenir. Vous l'avez de pas du tout ? Non, je l'ai pas. C'était Terrence et Pierre Parker. Ah, bah merci Abel pour cette belle question. Là, c'est. On s'en souviendra, merci Abel. Ça commence à devenir compliqué là, je vois qu'il y a que 2-1 pour Hugo. Bah, on voit que surtout les choix de questions sont vraiment qualitatifs. Bon, on continue. Quel est le premier first pick de l'histoire à n'avoir jamais foulé les parquets américains avant sa draft ? Bargnani ? Non. Un first pick, il n'y en a pas énormément, qui sont vraiment étrangers et qui n'ont jamais été à la fac aux États-Unis. Là, c'est à... Parce que j'ai peut-être une idée. Mais... Petrovic ? Non. Yao Ming ? Oui, Yao Ming. Ah, yes. Bien. 3. 3-1. Ça commence à devenir compliqué, Quentin. Hein. C'est vrai. Il est habitué, vous en faites pas. Quel joueur NBA a longtemps vécu dans l'ombre de sa sœur Cheryl ? Un grand joueur NBA. Dans l'ombre de sa sœur ? Oui. Il joue encore ? Non, il est consultant maintenant. Paul Pierce ? Shaquille O'Neal ? Non. Paul Pierce, non ? Non. Ouais, j'ai pas, franchement, je... Cheryl ? Ah. Ah, quand t'as peut-être une idée. Kippen ? Et non. Ah bah. On va dire Reggie Miller, je sais pas. C'est Reggie Miller. Oh, la alors là, je dois avouer que c'est ce qu'on appelle avoir de la chance parce que je l'avais pas du tout. Balle de match pour Hugo. Je vais m'incliner, malheureusement. Donc, dernière question. Vrai ou faux, c'est un vrai ou faux, est-ce que le maillot de Gary Payton est retiré à Oklahoma City ? Faux. Faux. C'est faux. Je l'ai dit avant, merci, 5-1. Ah, proche du sweep, proche du sweep. Je sais pas si je vais vous donner... c'est pas une question. Ah bah, excusez-moi, j'ai été plus rapide. Vous êtes Détroit, je suis les Bucks, voilà, c'est tout. Écoutez, là, de toute façon, la victoire est sans appel, hein, 5-1, de toute façon. Je pense que Quentin aura à cœur de se rattraper la prochaine fois, comme Toronto cette année. Abel, il faut que vous fassiez des questions actuelles. Très bien, bah on s'adaptera la prochaine fois. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, les 14 Affranchis et notre podcast Affranchis NBA. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt prochaine. Pour la revanche. 1.7 to play. What kind of look is it going to be? It comes into the corner for the win. Yes! Yes! Do you believe?